Un soir, à minuit, après deux longues répétitions, je n'eus pas la force d'aller souper avec Rému pour aller dormir chez moi. Sur les 3 heures du matin, des coups de sonnette répétés me réveillèrent. Je trouvai devant ma porte Léon et Simone Volterra. Sans dire un mot, Léon passa devant moi, jeta son chapeau sur un guéridon et dit « Je viens te prévenir. Ton ami Rému ne jouera pas Fanny. » Il était pâle et mordait ses dents avec tant de force qu'on voyait se gonfler les muscles sous chaque oreille. Je crus à un malheur. « Il est mort ?»« Oui, dit Léon, pour moi, il est mort. »« Par qui veux-tu le remplacer ?» Je fus stupéfait, car je les avais quittés fort bons amis. Je demandai « Que s'est-il passé ?»« C'est une affaire personnelle. Je te donne ma parole que cet individu ne remettra jamais les pieds chez moi. » Je regardai la patronne, elle me présenta un profil impérial et ne dit rien. Je compris qu'ils avaient sans doute passé la soirée ensemble et qu'après un souper au Fouquet's ou chez Maxime's, Jules, une fois de plus, s'était mis en colère et avait donné une petite représentation publique du plus mauvais goût. J'espérais cependant que des injures proférées après 1 heure du matin ne justifiaient que faiblement une rupture définitive après une collaboration de tant d'années et qu'il suffirait de gagner du temps. « Asseyez-vous, dis-je, et buvons d'abord quelque chose, car je ne suis pas tout à fait réveillé et je me demande si je ne rêve pas. » La patronne prit un siège, mais Léon resta debout, muet, les poings dans les poches. Je servis en silence 3 petits verres de chartreuse jaune. Léon répéta « Qui veux-tu que j'engage à sa place ?»« Il faut prendre une décision tout de suite, dit la patronne. Nous avons pensé à Francel ou à Haribord. »« Mon cher patronne, dis-je, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois que vous êtes tous les deux en colère et qu'il est 3 heures du matin. Il serait tout à fait déraisonnable de prendre une décision avant d'avoir dormi. »« La mienne est prise, dit Léon. Viens demain de bonne heure à la répétition, et tu assisteras à son exécution publique. » Ils sortirent sans avoir touché à leur verre. J'étais un peu inquiet, mais persuadé que l'affaire serait arrangée dès le lendemain. Quel pouvait être le motif de cette décision radicale? J'essayai de téléphoner à Jules, point de réponse. Pensif, je pris un verre de chartreuse pour me réconforter. Je l'avalai d'un trait et je fus écœuré. Assez mal formé sur la location des alcools, et trompé par la belle couleur jaune d'or, j'avais servi de l'huile d'olive. Le lendemain, j'appelai Jules. Sa fidèle concierge me répondit qu'il venait de sortir. À midi, il n'était pas rentré.